inspecteur, moi je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier, je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Tous les mardis à 19h. Yeah. Vous écoutez l'émission Au fond près du radiateur sur FPP 106.3. Non. Truc de dingue, truc de malade, truc de psychopathe, truc de fée, truc de strong. Au fond près du radiateur. On doit continuer le combat contre le racisme, contre la violence policière, contre le travail qui nous tue, contre le chômage, contre la dégradation des quartiers populaires. La seule alternative pour nous, c'est la lutte. C'est la lutte. C'est la lutte. 106.3. Radio fond près du radiateur. Voilà. Nos pas Saran. Grève générale. Il n'y a rien d'autre. Et il faut qu'on soit déterminés dans nos actions. Et on ne doit pas lâcher. Et si on est tous ensemble, on va y arriver. C'est pas eux qui vont décider notre vie. Yo, au fond près du radiateur, man. Tous les mardis soirs, 19h, FPP 106.3 FM. Ha! You want me to hide all my feelings? Salut à tous, salut à toutes. Vous êtes bien dans l'émission Au fond près du radiateur, comme tous les mardis soirs de 19h à 20h30 sur l'antenne de fréquence Paris Pluriel 106.3 FM en région parisienne, www.rfpp.net, partout dans le monde. Voilà, on est pas mal présents là sur le plateau aujourd'hui. Déjà, je vais saluer Raph qui est à la technique, qui nous accompagnera durant toute l'émission. Salut. Voilà, en tant que technicien. Et puis, je vais présenter un peu les copains et les copines qui sont sur le plateau. Déjà, ceux que vous connaissez, il y a Mouloud qui est présent. Bonsoir et bienvenue au fond près du radiateur. Il y a Robinson. Oui, salut à tous. Je crois que vous avez peut-être déjà entendu Eman aussi, qui vous fait coucou de loin. Et puis, il y a nos invités Théo et Constance qui font partie donc du comité de mobilisation de la fac de Tolbiac et avec qui on va développer pas mal de sujets ce soir. Salut. Chers amis. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, et le temps qu'on s'installe, qu'on se prépare, parce que vous savez très bien que dans les locaux d'FPP, c'est un peu speed, c'est de la radio associative, il y avait une émission juste avant en direct et qu'on n'a pas eu énormément de temps de s'installer. Donc on va passer un petit peu de musique avec le sourire toujours. En tout cas, on est au fond près du radiateur, on se passe un peu de musique. The way he kissed me, the way he holds me, the way he looks in my eyes. un son, vous avez peut-être reconnu la voix de Sharon Jones, Grey Boy featuring Sharon Jones, et le son s'appelle Got to Be Love, Got to Be a Love. Vous êtes de retour dans l'émission Au fond près du radiateur, il est 19h12 sur Fréquence Paris Pluriel. Et on est en de bonne compagnie puisque voilà, il y a des camarades étudiants de Nanterre, de Tolbiac qui sont avec nous. Et on va peut-être recevoir des coups de fil, en tout cas on va voir comment s'articule l'émission, mais on vous lâchera même peut-être le numéro du direct, voilà, si vous voulez aussi intervenir, rebondir sur ce qu'on dit, parce que c'est intéressant d'avoir aussi votre avis, notamment sur le mouvement social en cours, puisque c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans l'émission. On va d'abord parler de la grève du 22 mars qui a mêlé le mouvement des cheminots à celui des fonctionnaires et des travailleurs, des hôpitaux, des EHPAD et bien d'autres gens qui se sont joints au cortège. Et puis on reviendra après précisément plus sur le mouvement étudiant et on aura peut-être une intervention aussi d'un camarade postier quant à la situation assez précaire d'un autre camarade qui s'est fait licencier. Voilà, je vous en dis pas plus pour le moment parce qu'on va voir déjà s'il arrive. Et donc voilà, on voulait aborder cette émission par cette grève du 22 mars qui est peut-être le premier point de fixation du mouvement social qui s'annonce. Pour faire rapide et sans les chiffres et les points techniques que de toutes les manières on n'a pas, mais juste pour dire que voilà, c'était une journée en fait d'action, de grève qui avait été décidée en intersyndicale, d'abord par les syndicats des fonctionnaires, puisque voilà, il y a toute la casse du service public qui est en train de se mettre en place dans les ordonnances du gouvernement Macron et Édouard Philippe. Et donc on va pas rappeler tous les secteurs qui sont cassés, peut-être que ça viendra aussi dans nos discussions, mais en tout cas il y avait beaucoup de fonctionnaires dans la rue et de l'autre côté il y avait aussi beaucoup de cheminots qui répondaient à l'intersyndicale des travailleurs et des travailleuses du rail, puisque après le rapport Spinetta, qui est un rapport remis par un expert au gouvernement, voilà, ils ont décidé de casser pareil le statut des cheminots, de trouver une nouvelle stratégie pour la SNCF, en gros d'accentuer la privatisation et de se préparer à l'ouvrir à la concurrence, puisque c'est visiblement le monde, enfin la marche inévitable du monde dans lequel on est, c'est de s'ouvrir à la concurrence. Donc en tout cas, il y avait pas mal de monde dans les rues qui était un peu contre cette stratégie-là. D'un côté, il y avait un cortège qui partait de Bercy et qui se rendait à Place de la Bastille à Paris et qui était le cortège des fonctionnaires. Et de l'autre côté, il y avait un cortège qui partait de Gare de l'Est et qui rejoignait la Place de la Bastille aussi et qui était celui des cheminots. Donc ce qu'on peut faire en ce début d'émission, c'est peut-être déjà dire un peu nos ressentis. On est pas mal à avoir été à la manifestation ce jeudi 22 mars. Donc bah vas-y Mouloud, toi t'étais avec les fonctionnaires à Bercy. Ouais, et, absolument, Robinson, Iman. Donc on s'était, voilà, je crois que moi ce qui m'a intéressé le plus c'est de constater qu'il y avait du monde, et ça c'est un premier point, de l'enthousiasme face à quelque chose où on a l'impression qu'il est plus possible de faire quoi que ce soit, parce que les attaques vont très très très vite par ordonnance. Donc rappelez-vous, au mois de septembre c'était le code du travail, en moins de 2 mois c'était réglé. On a l'impression que tout est réglé dans 1 an, ce monde qu'on connaît va disparaître et tout est touché, sécurité sociale, tu l'as rappelé, mais aussi au niveau des facs, au niveau de... mais tout. Donc on a l'impression que rien n'est possible et là ce qui se passe c'est que ça fait du bien de voir qu'il est possible de voir des rassemblements, qu'en fin de compte, partout, il y a des petites choses qui sont en train d'arriver, que ce soit au niveau des facs. Je rappelle que Toulouse, le Mirail, voilà, ils ont été bloqués, dégagés. À Montpellier, juste dernièrement, le fac de droit, je crois, les fachos ont débarqué pour casser avec, vous avez vu les images qui sont assez violentes. Ça donne l'intensité du truc. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait toute une série de jeunes étudiants lycéens, parce que je suis resté plutôt vers ce versus de l'enthousiasme, des mots d'ordre cash, direct, on veut le pouvoir, on est anticapitaliste, on explique que Sarkozy est un escroc. C'est un petit clin d'œil à cette réalité. C'est alors Bah voilà, la réalité aussi, c'est le fait que le plus grand scandale de la République est en train d'arriver au même moment où on demande à l'ensemble des gens réels, entre guillemets, eh bien, de se sacrifier, de se faire massacrer sans rien dire. Il y a encore une fois le cynisme profond de ces gens d'en haut, de la bourgeoisie qui est bien vu. Donc oui, de l'enthousiasme, de l'envie, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, le rapport de force, il faut l'avoir et ça va être redoutable. C'est sur du long terme. Et en tout cas, on a l'impression qu'il y a des moments donnés où ça se joue. Et voilà, c'est un peu ça que... En tout cas, bravo pour les étudiants qui sont en grève, Nanterre, Tolbiac, et aussi, il y a plein de trucs qui se passent en province. Je pense que c'est important de le rappeler aussi, parce qu'il n'y a pas que Paris, voilà. Et aujourd'hui, les attaques sont tellement violentes qu'on a l'impression qu'il faut vraiment essayer de se rassembler. Et je parle aussi des personnes qui sont sans papier aujourd'hui, ce qu'on appelle sans papier, puisqu'il y a une remise en question de l'aide médicale d'État. Le fait qu'aujourd'hui, on est en train d'expulser des personnes malades, séropositives. On a fait un point avec ACT UP. Donc voilà, il se passe plein de choses. Et moi, j'ai trouvé que oui, il y avait de l'enthousiasme et pas un découragement. Et ça, c'est la première base. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Puisque, voilà, j'étais un peu rapide. Hein. Robinson, tu étais avec Mouloud dans ce cortège. Oui. Tu corrobores ou... Ben, je corrobore. Hein. Je suis ce qu'il vient de dire. On avait une bonne énergie sur place. Je pense que les gens, en fait, ont... Maintenant, c'était un peu la goutte, hein, les cheminots, voilà, 4-5 réformes en 8 mois. Hein, il a été élu il n'y a même pas un an maintenant, ce président. Donc maintenant, les gens vraiment marchent, ils descendent, ils y vont, ils soutiennent. Participation globale, ils s'en foutent de où sont les CRS, qu'est-ce qu'ils vont faire, où sont les autonomes, les sans-étiquette. Il n'y avait plus de petites embrouilles entre manifestants comme il pouvait y avoir il y a un an ou deux ans. Il y a eu toujours des clashs hein, en manif à l'arrivée des cheminots avec les CRS parce qu'ils étaient placés uniquement là, et c'est ça ce dont je voulais parler. Mais les gens s'en fichent maintenant, hein, les gens descendent et voilà, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de discussions à avoir avec les médias, hein, c'est ça que je sous-entends derrière. Donc je pense que maintenant c'est l'agissement, hein, voilà, il n'y a plus qu'à agir. Voilà. Ce qui était intéressant, c'était nous en tout cas, on était avec les étudiants. Et ouais, déjà, bah, tout le monde était joyeux, tout le monde était dedans. Et les profs étaient là et encourageaient du coup les lycéens et les étudiants de fac à militer. Enfin, il y avait vraiment tout un cortège de profs qui étaient là. Genre, c'est bien, vous êtes dans la rue, continuez. Alors que, enfin, je sais pas, c'est tout le monde est dedans et je trouvais ça super intéressant. Et ouais, après, il y a nous, enfin, on avait qu'une bonne manif. Il y a qu'à la fin où les CRS jouaient un petit peu avec les anarchistes là et les... Et les cheminots où c'est un peu le bordel, mais sinon, ouais, bonne ambiance. Tout le monde est vraiment motivé pour ça, quoi. Les gens en ont marre, en fait. Ouais, moi j'ai manifesté, je suis allé à 13h du coup avec les cheminots parce que j'avais l'impression quand même que le mouvement, c'était les premiers concernés, en fait. Même si ça touche aussi quand même la fonction publique de manière plus générale, mais j'ai l'impression que c'était un petit peu les précurseurs du mouvement, ou du moins c'est à eux, grâce à eux aussi, que ça va prendre une telle ampleur. Il s'est passé aussi qu'il y a eu, il y a eu des lycéens, des étudiants qui ont manifesté à 11h à Nation, et où la répression policière a été excessivement violente. Il y a des gens qui ont vraiment été blessés, qui sont retrouvés à l'hôpital. Il y a des photos qui sont assez dures avec une personne qui a la tête en sang et des coups. Et donc à 13h, moi j'avais décidé de manifester. Comme à mon habitude, en fait, dans le cortège de tech, donc en soutien toujours avec les autonomes et avec les anarchistes, qui eux prennent l'action violente. Donc j'ai l'impression, du moins à titre personnel, que ça semble que ce soit peut-être une solution et vers sur quoi de plus en plus de monde est en train de se diriger. Et il y a eu des affrontements, d'ailleurs, qui ont été très violents avec la police. Et on a relevé notamment l'utilisation d'un nouveau gaz, apparemment, d'un nouveau gaz lacrymogène. Et il y a des témoignages qui ont été recueillis. Apparemment, ce sera un gaz d'un effet inhérent, ce qui est littéralement une arme chimique, en fait. Et où il y a eu, voilà, on s'est retrouvé avec beaucoup de nausées, des étourdissements, il y a eu des évanouissements. Il y a eu des nouvelles techniques. Notamment, ils ont mêlé du gaz lacrymogène à un canon à eau, ce qui n'avait pas été fait encore. un gaz, une espèce de bouillie mousseuse assez dure. Et je crois que les affrontements étaient violents. Il y a eu des provocations des deux côtés, évidemment. Mais la répression... j'ai l'impression que les affrontements, on a moins peur d'y aller. Enfin, ce qui se passait en 2016, enfin du moins ce qu'on m'en a raconté, parce que j'étais pas là en 2016, mais là il y a une vraie colère, j'ai l'impression. Autant le mouvement, notamment fin 2017, début de l'année scolaire, était vraiment amoindri, un peu affaibli. C'était un peu triste à voir, les manifestations, elles ne menaient pas à grand chose. Là par contre on sent qu'il y a une colère et on sent qu'il se passe quelque chose en fait. Je te rejoins là-dessus Mouloud sur ce que tu disais, c'est que vraiment il y a une cohésion et il y a un mouvement de lutte qui semble assez important qui est en train de se créer, quoi. Mais ça même nous à Bastille le soir on l'a vu, parce qu'à un moment il y a les CRS qui sont arrivés, qui ont fait un truc hyper chelou, c'est qu'ils se sont mis dans la Bastille, ils se sont enfermés dedans, on n'a pas compris. Enfin si, de base c'était pour virer des gens et après ils se sont enfermés dedans. Et en fait, tous les gens autour, donc c'était des jeunes, des photographes, des caméramans, enfin de tout, c'était pas des casseurs comme on dit, ils étaient tous regardés, ils étaient tous en train de les huer, enfin il y avait personne qui était pour eux, les gens étaient vraiment énervés. Et à la fin, c'est parti, bon, ils ont gazé un peu tout le monde, bien évidemment, mais même quand ils gazaient, enfin les gens étaient juste énervés, et d'autant plus énervés, quoi. Et c'était pas juste le mec avec son bandana qui a les grosses lunettes et tout, enfin nous on y était, il y avait des parents, il y avait une mère avec son fils qui était là, et tout le monde s'indigne en fait face à la répression policière, je pense, c'est la violence. Et les gens n'ont plus peur, surtout. Comme tu dis, on n'a plus peur d'aller dans la rue, on n'a plus peur de proclamer nos droits. Je crois que c'est ça, ouais. Après 2016, on s'est... les manifestants, et puis un peu tout le monde, en fait. C'est que, ce que je lisais l'autre jour, c'est qu'il y a encore quelques années, on n'avait pas idée de ce qu'était l'odeur du gaz lacrymogène, de ce que ça faisait. C'était des choses qui étaient très... c'était des choses lointaines. Et aujourd'hui, quand on va en manifestation, qu'on soit dans le cortège de tête ou qu'on manifeste plus pacifiquement, on s'attend. C'est la suite logique des choses. Enfin, c'est voilà, tout, complètement. C'est dans la manifestation. On sait qu'à un moment donné, il va y avoir des gaz lacrymogènes, qu'il va y avoir des débordements, qu'il va y avoir de la violence. Et on s'attend à ça. Mm. Et plus personne n'en est surpris, en fait. Mais que ce soit, voilà, encore une fois, l'anarchiste le plus radical ou le syndicaliste de 65 ans à la CGT, quoi. Il y a un camarade Posti aussi qui vient de nous rejoindre. Est-ce que toi... Bonsoir. Salut. Est-ce que tu étais à la manif jeudi ? Le 22, en fait, y avait judicieusement deux cortèges. Il y avait le cortège des cheminots séparé du cortège de la fonction publique, ce qui était une idée lumineuse pour empêcher un mouvement d'ensemble. Franchement, moi, hélas, j'étais en point fixe. Enfin, moi, j'étais en point fixe au cortège de la fonction publique qui était franchement pépère. Donc, on a entendu pendant la manif que ça a fritouillé un peu sur la manif des cheminots, mais la manif des fonctionnaires, voilà. Ok, bah t'as tout dit. On va se passer un petit reportage, justement, une petite prise de son qu'on a fait avec Raph à la manif. Juste avant, je voulais faire un petit point sur rappeler que le combat est complètement inégal quand on voit Sarko qui se fait mettre en examen et qui a le journal de 20h pour se défendre. Nous, quand on se fait péter, on a à peine le droit à un avocat, quoi. Et bah on s'écoute ça tout de suite, Raph, si tu peux nous mettre le reportage qu'on a fait donc dans le cortège des cheminots qui partait de 13h de Gare de l'Est. Ils expliquent, les jours de grève, on n'est pas payé. Les jours de grève, ils nous retirent une journée normale. Une journée normale, pour nous, c'est 80 balles. On est retiré sur la paye 80 balles, d'accord ? Donc, comme tout le monde, on n'est pas payé jour de grève. On n'est pas payé quand on est malade, donc il faut arrêter les conneries. Le statut, c'est de la merde. Le statut, c'est quoi ? Ça nous permet juste de travailler en décalé, d'avoir certains avantages. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien de... Moi, je suis dans une équipe d'agents de manœuvre et je m'occupe. Moi, je me réveille à 3h du matin pour commencer à 4h. Il faut me trouver les transports qui me permettent de me lever... Enfin, le transport qui permet d'aller au travail à 4h du matin, il n'y en a pas. Donc, je prends mon véhicule personnel. On parle pas d'avantage de prendre le train gratuit à 3h du matin. 3h du matin, je fais mon essence comme tout le monde. J'y vais et je vais au travail. Basta. Le problème, c'est qu'ils s'occupent de nous aujourd'hui. Demain, on s'occupera de tout le monde. Et aujourd'hui, nous personnellement, il n'y a pas d'avantage. On parle de garantie d'emploi. Demain, je connais des potos, des collègues du travail. Ils ont fait des conneries qui sont humaines, tu vois. Et voilà, aujourd'hui, on leur a dit au revoir. Donc, il n'y a pas de garantie d'emploi. Demain, on peut dire au revoir comme on peut dire on garde. Mais il n'y a pas de statut. Bah, derrière, ils vont s'occuper de tout ce qui est les hôpitaux. Ils peuvent s'occuper de tout le monde. Mes deux parents sont à la poste. Ouais. Mes deux parents travaillent à la poste. Mes deux parents, ils sont déjà passés à la casserole depuis X temps. Je donne juste un exemple. Ma mère, ça fait 10 ans qu'elle est à la poste. elle est rentrée en touchant 1200 euros. Ça fait 10 ans, elle a 1300 euros. Et j'ai rien d'autre à dire. C'est tout ce que je peux te dire. Toi, tes manœuvres, c'est-à-dire concrètement, ça consiste en quoi ton taf? Moi, je m'occupe de couper les trains. Les trains, ils arrivent, je coupe les trains, je donne le départ des trains. C'est-à-dire, t'accroches les wagons? Voilà, c'est ça. J'accroche les wagons. À 3h du matin, comme ça. À 3h du matin, j'accroche les wagons, je coupe les wagons, je donne le départ des trains. J'ai aucun avantage, j'ai rien du tout. Et t'as combien par mois? Par mois, sur la. Je peux te jurer. J'ai une fille, sur la vie de ma fille, je peux te jurer, je touche exactement en net 1680 euros. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, 10 ans. 10 ans. J'ai 30 ans, j'ai 30 ans. Voilà. Et là, quand il neigeait et tout, tu t'as fait toi quand il neigeait, je t'ai fait. Je ramenais le sel avec. J'avais des gants quand même, ouais. Tu vois. J'avais des gants, je ramenais le sel, je balançais sur les quais. Et voilà, je faisais le service public, je faisais de contenter les voyageurs qui voyageaient sur les premiers trains du matin, mais c'est tout quoi. Après, j'étais pas payé plus. Normal quoi, il n'y a pas d'avantage de fou quoi. Dites-vous juste un truc, c'est qu'à l'époque, en 45, quand il y avait la guerre, les cheminots c'était les premiers remparts. Une fois qu'ils s'occupent de nous, ils s'occuperont de tout le monde derrière. Le truc c'est que nous on est les premiers remparts, on fera. C'est dans des secteurs les plus combatifs. On est les secteurs les plus combatifs, tu peux le voir aujourd'hui dans la rue, il y a tout le monde. Il n'y a pas forcément l'étiquette syndicale, il y a tout le monde. Franchement, regarde moi je suis neutre. Ouais. Je suis neutre, je suis comme la Suisse. Je suis neutre. Il n'y a vraiment pas de sucre. Ouais, t'as pas d'autocollants. Voilà, c'est ça. Ouais, sans l'oseille quand même. Sans l'oseille. J'ai pas d'oseille non plus. Pas comme la Suisse alors. Voilà, ouais, voilà. L'oseille, ils ont pas la Suisse. Moi, je suis sans rien. Tu vois, je revendique sans rien. Juste, je me bats parce que j'ai une fille, tu vois. J'ai une fille. Et j'espère que demain, si je la fais rentrer dans cette entreprise-là, j'espère qu'elle aura des avantages comme moi, je suis rentré. Tu vois. Et le truc, c'est que les gens qui se plaignent, qui peuvent pas prendre le train, c'est un mal pour un bien. C'est parce que. Aujourd'hui, ils ne sont pas récompensés, ils galèrent, c'est vrai. Mais demain, ils seront récompensés parce que notre lutte, elle concerne tout le monde. Et nous, on perd de l'oseille dedans. On perd de l'oseille, n'oubliez pas. Sûr. On va perdre pratiquement 600 euros par mois. C'est-à-dire, je suis marié, j'ai une femme. Ma femme, elle travaille pas. Je vais toucher 600 balles. Allez nourrir une femme avec 600 balles. Je suis chaud patate, je suis chaud bouillant. On va faire la grève pendant un mois. Et pour toi, ça sert à quoi une grève en fait? Une grève, ouais. Ça sert à revendiquer, à bloquer le pays dans l'espoir. Et j'ai toujours espoir que justice soit faite et ces dirigeants reviennent sur leurs décisions parce qu'au fond d'eux, ils doivent savoir que leur décision, c'est la mauvaise. Ils ont pris la mauvaise décision en appliquant les ordonnances. Et les ordonnances, c'est une provocation quelque part pour faire passer certaines lois, certaines choses. Faire passer le truc en force avec des ordonnances sans. Bien sûr, en force, sans négociation. Ils ont bien parlé de concertation. Une concertation, c'est pas une négociation. Concertation, c'est comme si toi, ils te prennent pour un con, ils viennent, ils te disent vas-y, viens, assieds-toi devant moi, je te lis le texte de loi. Moi je ferai grève jusqu'au bout, demain si je gagne la grève, tant mieux, je me battrai pour les enfants demain, si je la perds, ben, je dirai à ma fille demain que voilà j'ai lutté jusqu'au bout. La France est beaucoup calquée sur les pays frontaliers on va dire, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, mais tu verras que au niveau des prix, les prix en Angleterre, en Allemagne, ils ont doublé, voire triplé. Ils parlent de concurrence, ok, mais là on va dire en moyenne on a un billet à 60-70 euros. Sur un billet trajet normal. Là, BT, on parlait de 90 euros et 120 euros. Forcément, tu vas te baser sur 90 euros. Toi, tu vas croire que t'es gagnant. Mais en fait, t'es pas gagnant. Donc, ton prix actuel, il est à 70 euros. Tu as payé 90 euros au lieu de 120 euros. Sur le nouveau prix. C'est quoi? Tu préfères quoi? Payer 70 euros maintenant? Ben voilà, c'est ça. Ok, merci. Tu veux rajouter un dernier truc à dire ou quoi? Dédicace à Nespunta, mon pote. À l'ancienne, ça fait longtemps. Voilà, big up à lui. Franchement, notre taf, c'est du 3 bits tous les jours, week-end, férié. On gagne pas 3000 euros par mois, on est à 1007 à peine. Et franchement, va travailler pour 1007 en 3008, 365 jours par an. Avec 28 jours de congé, je répète, 28 jours de congé. Parce que 60 jours de congé que Pernod lui dit, c'est faux. On n'a que 28 jours de congé, c'est tout. On travaille 365 jours pour 1700 euros, on n'a pas de 13e mois. Ah oui. Eh oui, on n'a pas de 13 mois nous. C'est une prime qu'on a. Et elle n'est même pas valable à notre paye. Vous êtes sur quel poste? Nous, on est à l'accueil. Si les gens voudraient voir vraiment les fiches de paye d'un agent SNCF, on paye la sécurité sociale des gens. Nous, on ne la paye pas notre sécurité sociale. Ça veut dire quand tu bosses, moi j'ai le droit d'aller chez le médecin gratuit quoi. Grâce à moi. Grâce à toi. Voilà. Parce que personne nous paye notre sécurité sociale. Nous, on la paye plus cher que nous, on paye notre sécurité sociale. D'accord. Et quand je le prouve à des gens, des fois, personne... Ah, sérieux ? Eh ben voilà. La preuve, elle est là. Et les gens, ils le voient quand je leur dis que c'est vrai. Parce que nous, on nous dit on est soi-disant privilégiés, on paye pas le train, certes, mais regardez toutes les entreprises en France qui ont les privilèges, l'État tout de suite s'attaque à nous. Ouais, pourquoi ? C'est une question que je voulais te poser. Parce pourquoi que c'est le plus facile, on est une entreprise la moins aimée de France, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de problèmes. Mais c'est, c'est plus facile de s'attaquer à nous que d'aller s'attaquer aux députés, aux sénateurs. Ah, c'est sûr. Qui ont des privilèges, qui ne disent pas ça, mais ils ont beaucoup plus de privilèges que nous. Le gouvernement entier a des privilèges et nous on ne l'a pas. Franchement, si à faire grève pendant un mois, je le fais entièrement. Macron, dégage. Alors on est devant le stand d'Acrimed. Bon ben c'est toujours la même, hein, toujours la même. On verra après cette manif, mais le... La tactique habituelle, il suffit qu'il y ait quelques échauffourées, on va parler que de ça dans les radios et dans les télés. Et en général, les réactions premières des éditocrates, c'est de minimiser l'importance de la manifestation et de répéter à l'envi que le mouvement se démobilise, qu'il y a de moins en moins de manifestants, etc. C'est toujours, c'est quasiment toujours la même chose depuis 1996, c'est la même stratégie. Mais bon... Sauf s'il y a vraiment une manif qui vraiment, ça a l'air assez important d'ailleurs ici, ouais, ça a l'air assez bien quoi. Mais de toute façon, il y a matière. Alors, s'ils ne voient pas des signes d'affaiblissement, je parle des éditocrates en général, ouais, la télé. Par contre, ils vont dire, ça y est, ils vont nous bloquer le pays. Donc, ça ne va jamais avec eux. Ils défendent toujours le gouvernement. Soit si ça marche, bon, ils vont dire c'est bon, bloquer le pays, c'est une catastrophe. Et si ça marche pas, ils poussent à la démobilisation et puis dans le sens. Voilà. Il y a un élément qui est très important dans tout ça, c'est l'usage qu'ils font des sondages. On vient juste de publier un article là sur notre site, il est paru ce matin, oui, où on montre comment les sondages sont orientés de telle manière qu'ils font croire que la majorité des Français sont défavorables à la suppression au statut des cheminots, sont défavorables au statut des cheminots, sont défavorables à la grève, etc. Alors que la manière dont les questions sont posées, vous verrez si vous voyez l'article, c'est quand même évident qu'il pousse dans ce sens, quoi. Tout converge pour casser le mouvement, c'est ça le truc. Et là, pour ce que vous dites plus précisément, les sondages ont beaucoup d'importance. Les sondages, parce que c'est repris sans arrêt, et, bon, et les gens ne vont pas regarder comment sont faits les sondages, etc. Du coup, ils s'imaginent, alors qu'eux, ils sont majoritairement peut-être favorables à la grève, au maintien du statut de cheminot, mais quand ils voient qu'il y a une majorité déterminée par sondage, ils disent, bah ben oui, alors... C'est un effet un peu démobilisateur aussi. Du coup, en fait, au niveau de la communication, on lutte pas à armes égales. Comment nous, on pourrait faire renverser l'opinion publique, enfin ce qu'ils appellent l'opinion publique ? C'est quoi nos armes, en fait, pour lutter contre cette propagande, en fait ? Ah, vaste problème, mais on a un exemple, là, en 2005, par exemple, pour le référendum. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait une propagande terrible à la télé, toutes les télés, tous les journaux, etc. étaient favorables au oui, et c'est quand même le non qui a emporté. Alors pourquoi ? Parce qu'il s'est passé autre chose, hors médias, il y a eu des réunions, il y avait des contacts, etc., des réunions publiques, qui ont fait que les médias ont perdu un peu de leur importance, leur monopole un peu de la communication publique. Et quand les gens commencent à parler entre eux, etc., ça change beaucoup les choses. Pour le film aussi, les nouveaux chiens de garde qu'on a beaucoup diffusés, il y avait des débats dans les salles, etc. Il y avait vraiment une autre chose. Il faut que ça se passe, d'une part, la critique des médias et critiquer ce que font les médias, et d'autre part, d'autres formes de communication hors des médias. On peut aussi penser à la presse alternative, mais qui n'a pas beaucoup d'audience, mais qui fait un bon travail quand même. jour de bonheur ou de peine. L'amour d'une mère est en soi et personne n'a le pouvoir de le tuer. J'espère que les frères comprennent mes histoires extraordinairement humaines. Dans la vie on n'a qu'une mère, faut la chérir maintenant. Certaines peuvent plus le faire, que Dieu t'apporte la force de la satisfaire. On peut tous mourir n'importe quand, chaque seconde compte donc prends plaisir grand. La plupart du temps les êtres chers on les perd. Que Dieu et leurs âmes profitent si t'as encore un père. Nos parents deviennent vieux et ça obsède. Si t'as tout ce qu'un orphelin veut, pense à lui et ce que tu possèdes. Tout le mérite lui revient, il peut juste dire qu'il se souvient. Avant que son cercle familial décède ou le laisse, il était bien comme homme. Depuis il tient le coup, puis tout il se retient de mettre le faux monde. Dédié à tous les gens qu'on aime et qui sont morts. Si je m'exprime mal, excuse-moi, mais lorsque le cœur parle, je panique, je suis comme toi. Faut qu'on soit tous soudés. Pour nouer les liens, faut qu'on soit tous soudés. Pour aller loin, faut qu'on soit tous soudés. Tous soudés, tous saoulés. Faut qu'on soit le fait d'être tous soudés. Pour nouer les liens, faut qu'on soit tous soudés. Pour aller loin, faut qu'on soit tous soudés. Tous soudés, tous saoulés. Faut qu'on soit le fait d'être tous soudés. Tous soudés. Là où je vis, on est tous soudés. Tous soudés. L'amour entre frères, entre sœurs ou entre frères et sœurs doit rester une puissance, même lorsqu'on se sent seul. Des êtres unis par le sang peuvent aller loin. Donc élucider le mystère et renouer les liens. Pourquoi tant de croire que c'est notre dernière heure? Pour changer de point de vue et reconnaître l'erreur. Maman et papa désiraient fonder une famille soudée. Soudain ils voient tout s'effondrer. C'est jamais trop tard, suffit d'y croire fort. Auprès des siens on trouve le meilleur réconfort. Un jour ou l'autre faudra qu'on parte. Avant faudra qu'on parle, histoire d'établir le contact. Je suis fils unique, Dieu, j'ai comme petit cousin que je considère comme la prunelle de mes yeux. S'il a besoin d'aide, ma vie est la sienne, qu'il en fasse, qu'il en veut. Bref, faut que ça revienne comme à l'ancienne. Tous soudés, renouer les liens, faut qu'on soit tous soudés. Pour aller loin, faut qu'on soit tous soudés. Tous soudés, tous saoulés. Faut qu'on soit le fait d'être tous soudés. Renouer les liens, faut qu'on soit tous soudés. Pour aller loin, faut qu'on soit tous soudés. Tous soudés, tous saoulés. Faut qu'on soit le fait d'être tous soudés. Tous soudés. Là où je vis, on est tous soudés. Tous soudés. Tous soudés. Renouer les liens, faut qu'on soit tous soudés. Pour aller loin, faut qu'on soit tous soudés. Tous soudés, tous saoulés. Faut qu'on soit le fait d'être tous soudés. Renouer les liens, faut qu'on soit tous soudés. Pour aller loin, faut qu'on soit tous soudés. Tous soudés, tous saoulés. Faut qu'on soit le fait d'être tous soudés. Tous soudés. Dans la famille, on est tous soudés. Dans le vôtre, soyez tous soudés. Pour aller loin, faut qu'on soit tous soudés. Donc renouez les liens et soyez tous soudés. Vous êtes de retour dans l'émission Au fond près du radiateur. Comme tous les mardis soirs, 19-20h30 sur l'antenne de Fréquence Paris Pluriel, on vient de s'écouter un son du Raluciano Sacré qui dit tous soudés. Voilà, c'était pour bien ambiancer l'émission et donner un peu le ton. On va rebondir un peu sur le reportage qu'on vient d'écouter et plus généralement sur le mouvement des cheminots, leur statut, leur combat. Raph, tu voulais commencer? Ouais, moi je voulais juste dire un mot ou deux. Déjà pour dire en fait la stratégie que Macron y fait. En fait, de s'attaquer à un des secteurs les plus combatifs de la société pour le casser et ensuite casser le moral un peu à tous les autres qui voudraient résister, quoi, pour se dire, bah voilà, même les cheminots, Macron, il les a cassés. En fait, Thatcher, elle a fait avant lui. Thatcher, en Angleterre, elle s'est attaquée aux mineurs qui étaient à l'époque... l'aristocratie ouvrière, je sais pas comment dire, tu vois, c'était la fer de lance du mouvement. Elle s'est attaquée aux mineurs, il y a eu des grèves très dures. Et Reagan, à l'époque aussi, aux États-Unis, donc le président des États-Unis dans les années 80, il a fait la même chose en s'attaquant aux contrôleurs aériens, donc, qui était un des secteurs les plus forts, quoi. Donc, juste pour dire ça, que c'est pas une stratégie qui vient de nulle part, c'est une stratégie qui a été déjà expérimentée par ces gens-là, tu vois. Et un autre truc à dire, c'est un pote avec qui j'étais à la manif, il me dit en fait, là, faut qu'on arrive à déborder ce mouvement-là juste du statut des cheminots, qui est un truc vachement important, de la question du service public. Aujourd'hui, en fait, de quoi on parle, c'est quelle société on veut à travers le service public. Est-ce que tu veux que... On continue le mouvement dans la privatisation de la SNCF, que ce soit par l'augmentation du prix des billets, le fait que on va vendre les secteurs les plus rentables de la SNCF au privé pour qu'ils fassent un maximum de thunes, et au détriment des usagers, au détriment de la sécurité, au détriment de la maintenance des voies ou des choses comme ça. En fait, c'est un choix. Est-ce qu'on veut abandonner le service public et qu'il n'y ait plus que du privé en France, quoi ? Est-ce que ça serait vraiment ça la solution ? Ce qu'on aime nous présenter, en fait, la privatisation comme la solution aux problèmes qu'il y aurait à la SNCF, alors que en fait, ces problèmes-là, ils viennent, enfin la dette de la SNCF, elle vient pas du statut des cheminots. Je pense que ça n'a pas été vraiment dit dans le reportage. En fait, la dette de la SNCF, le problème, c'est pas que les cheminots, ils aient deux, trois avantages. Moi, j'ai un pote qui est aiguilleur depuis 6 ans. Le gars, il est à 1006, 1007, il fait les 3-8, il travaille les week-ends, les jours fériés. C'est une galère pour voir ses amis et ses proches, tu vois. Donc, quand on dit que c'est des privilégiés, moi, j'ai des collègues, par exemple, je taffe dans le privé, en cuisine, tu vois. Et il y a des collègues qui me disaient, ouais, mais à la SNCF, de toute façon, dans leur contrat, ils ont deux jours de grève, ils ont des jours de grève et ils sont payés, tu vois, c'est écrit dans leur contrat. Je fais, attends, on va remettre les choses au clair. Et, tout ça, les histoires de prime charbon, que les cheminots, ils toucheraient une prime charbon. Parce qu'ils seraient au contact du charbon à l'époque et que toujours aujourd'hui ils avaient une prime et que toujours aujourd'hui ils toucheraient cette prime. Mais ça, c'est des mythos qu'on nous a servi dans les médias. Ça n'existe plus depuis les années 70. Et en fait, ça n'existe plus depuis les années 70. Et en fait, la dette de la SNCF, elle vient de où ? Elle vient du fait qu'ils ont commencé à séparer la SNCF en petits bouts comme ça. Et notamment, ils ont fait tout ce qui est les voies et tout ça, Réseau Ferré de France, RFF, ça s'appelle, je crois. Ça, c'est une entité à part qui fait payer en fait à l'autre partie de la SNCF qui fait rouler les trains, lui fait payer des droits de péage pour rouler sur ses voies, tu vois. Donc en gros, la SNCF pouvait payer à la SNCF de l'argent pour pouvoir faire rouler les trains, des trucs aberrants. Et en fait, il y a ça et il y a aussi le truc qu'ils ont fait des grands projets complètement aberrants ou alors en tout cas qui servent pas la majorité de la population, c'est-à-dire qu'ils ont construit des lignes de TGV un peu partout, tu vois, genre Paris-Bordeaux, Paris-Marseille ou des trucs comme ça. Donc ils ont mis grave de thunes là-dedans et c'était des partenariats public-privé, c'est-à-dire qu'il y avait des entreprises comme Vinci par exemple qui étaient censées payer la moitié. Puis au bout d'un moment ils disent bah non, au final tu sais, on va payer que un quart, donc débrouille-toi pour payer le reste. Donc voilà, ça fait encore des trous dans le budget de la SNCF. Et on peut se poser aussi la question de pourquoi développer des lignes à haute vitesse comme ça pour les cadres, parce que c'est surtout les cadres qui prennent le TGV parce qu'ils doivent vivre à 2000 à l'heure, je sais pas quoi. Et pourquoi on développe pas je sais pas moi les RER ou les intercités ou pourquoi on met pas de la thune là-dedans. Donc en fait, on parle de la SNCF, mais on peut aussi parler de l'hôpital. Il y a des potes qui travaillent dans les urgences ou quoi. Et quand tu te vois, tu te retrouves à gérer les urgences d'une ville de banlieue, d'un hôpital de banlieue, tout seul pour accueillir toutes les galères qu'il peut y avoir, tu vois, où les gens, ils attendent 6-7 heures, où les bons médecins, ils en ont tellement marre qu'ils se cassent, qu'il ne reste que les mauvais médecins. Et toi, quand tu es infirmier ou infirmière, bah, tu as la pression de gérer la pression des gens qui sont vénères parce qu'ils attendent 6-7 heures. Et en plus, tu dois corriger ce que font les médecins qui sont mauvais. Bref, tu vois... Juste pour dire, voilà, aujourd'hui, si cette bataille, on la perd, c'est le service public, c'est fini en France. Parce que les cheminots, c'est eux les plus forts qui pourront le défendre. Donc voilà, à nous de faire une convergence des luttes. Et pareil, on peut parler de l'éducation, du système d'éducation. Aujourd'hui, on défend un système d'éducation public pour faire le lien avec les sujets dont on va parler là tout de suite, avec vous, avec les lycéens et avec les étudiants qui sont à Tolbiac et à Paris 1. Voilà, quel choix de société on veut, quoi. Quel service public et tout. Vas-y, j'ai trop parlé, je vous laisse la parole. Si je peux juste rebondir, parce que tu parlais des privilèges des cheminots, déjà je connais beaucoup quand même, je pense que c'est peut-être même une majorité des tafs où tu as des avantages. Je pense que dans à peu près chaque entreprise, que ce soit les comités d'entreprise, tu as ce genre des choses qui sont mises en place, on peut appeler ça des avantages. Et moi j'ai une bonne partie de ma famille, je pense notamment à mon oncle, qui est cheminot depuis des années, qui fait encore toute sa carrière à la SNCF. Et je l'ai vu quand j'étais plus jeune, taffer en 3-8, rentrer des horaires complètement décalés. Je l'ai vu, il me racontait se faire insulter, par tout le monde parce que les gens ont l'impression qu'ils sont responsables quand il y a des retards. Je l'ai vu, beaucoup de stress parce que ils sont soumis à une pression qui est monstrueuse. Et ça, je pense qu'il faut en parler, quoi. Le nombre de burn-out qu'il y a chez les guichetiers et guichetières à la SNCF, qui se font absolument pourrir par les gens au moindre souci. C'est pour ça, quoi. Enfin, ce truc d'avantage, moi, ça me retourne un peu. Et pour aussi rejoindre ce que tu disais, je suis complètement d'accord, c'est que c'est l'objectif là, de Macron et du gouvernement, ça va être, s'ils cassent les cheminots, ils vont avoir l'impression que bah, après, c'est la porte ouverte à n'importe quelle réforme néolibérale. Mais je pense qu'il a un peu, il a mal évalué son coup, parce qu'il y a quand même un attachement, je pense, des Français à la SNCF. Qu'il y a, c'est une entreprise à laquelle on est attaché, même si elle est toujours critiquée, mais enfin voilà, elle est à critiquer d'ailleurs, mais il y a quand même un attachement, et j'ai l'impression qu'il a vraiment amoindri, ou qu'il a minoré l'impact que ça allait avoir, et l'impact que ça allait avoir dans la rue, je pense. Et on l'a bien vu le 22, et on le verra, je pense, sur les prochaines manifestations, que les cheminots, on n'y touche pas, quoi, et que cette bataille, je pense qu'il va pas la gagner, ou du moins qu'il la gagnera pas complètement, et c'est peut-être la première fois, je pense, dans les manifestations depuis son quinquennat, qu'on a l'impression qu'il perd du terrain et qu'il est en train de perdre quelque chose. Ouais, Olivier, ouais, moi je pense que la question des services publics, en fait, elle est simple. C'est des biens et des services qui sont non marchands, qui n'ont pas vocation à être rentables, qui par définition peuvent être déficitaires, effectivement. Ce sont des biens et des services utiles à l'ensemble de la population, évidemment, qui mobilisent énormément de travailleurs et qui ont un coût, forcément. Mais ce coût, de toute façon, bénéficie à l'entièreté de la population. À partir de ce moment-là, la question de la défense des services publics, et là, en l'occurrence, du rail, il est simplement celui d'un choix de société. Est-ce que les richesses, elles servent à construire des infrastructures qui, ensuite, sont pillées, sont vendues à des Vinci, à des actionnaires, à des trucs comme ça, qui pourront s'acheter leur 8e yacht et leur 20e villa sur la Côte d'Azur et dans les paradis défiscalisés, ou est-ce que ça bénéficie à l'entièreté de la population? À partir de ce moment-là, il est évident, bah oui, on va dégueuler tant qu'on peut sur les cheminots, qui sont des ultra-privilégiés, des nababs, avec leur paye et leur 3-8. Personnellement, moi, je pense que ce n'est pas le secteur le plus précarisé du prolétariat sur le territoire. Par contre, évidemment, je suis pas taré, je me doute très bien que les conditions de travail sont dures, que c'est une boîte, une entreprise publique qui est en train de massacrer, comme toutes les boîtes publiques, qui est en train de taper sur ses travailleurs. Et les cheminots, bah oui, ça représente dans le pays la classe ouvrière qui se bat. Bien sûr, et là, je ne peux pas dire que c'est les seuls qui souffrent ou quoi que ce soit, évidemment. Et là, évidemment, il y a un enjeu, un enjeu économique direct et à court terme, pragmatique, de vendre les rails, fermer les rails qui ne sont pas rentables, parce qu'on s'en fout un petit peu que sur des territoires où il y a 2000 habitants, les gens puissent se déplacer, prendre le train, aller en fac ou aller dans la ville, rencontrer leur machin. Ça, le pouvoir et la bourgeoisie, non, c'est le cadet de leurs soucis. Et ensuite, il y a aussi un autre enjeu qui est plus politique, qui est de fracasser la gueule, comme le disait le copain, fracasser la gueule à un des derniers pans du prolétariat, de la classe ouvrière du territoire, en capacité de se mobiliser de façon nationale et fortement. Voilà. Et là, il y a aussi un enjeu politique. Donc il y a aussi un enjeu politique pour nous. Évidemment, à démonter tous les discours sur les privilèges exorbitants des cheminots. Voilà. Est-ce que, du coup, vous pensez que ça peut être le déclic, un peu la mobilisation des cheminots par rapport à ce que vous vivez dans les facs? Moi, je ne vais pas parler par rapport au rôle spécialement des cheminots, mais je sais que j'ai pris le train, là j'ai réussi à trouver un appart sur Paris, mais j'ai pris le train tous les jours, deux fois par jour. Et je suis dans une des pires lignes, c'est là où il y a les pires problèmes de France. C'est, en fait, toutes les petites lignes, elles sont mises de côté. Je pense que la question de Macron, ce sur quoi il se sent, c'est de diviser les gens. Il attend que les gens se divisent, et même au sein des facs, pour blocage, contre blocage, avec les cheminots, contre les cheminots. Il demande une position politique par rapport à l'organisation de la vie, parce que quand même les cheminots, ça nous touche tous, parce qu'on a tous pris au moins une fois le train dans sa vie et qu'on va peut-être le prendre la semaine prochaine. Moi, je pense qu'ils cherchent juste à diviser et que toutes les questions qui sont soulevées, elles se détournent de la question centrale. C'est quelle conception on a des services publics. C'est quelque chose qui doit être, qui doit pas chercher à faire des bénéfices, quoi, tout simplement. Et je pense que justement, ils cherchent à se mettre la pagaille et ils y arrivent très bien, quoi. Parce que l'ouverture là, du copain sur la dette, le machin, toute façon, nous, à notre échelle, on n'est pas des experts économiques. On peut se faire enfumer tant qu'on veut et tant qu'on peut par tous des gens qui vont nous montrer des graphiques, des courbes et des machins. On n'est pas... voilà. Et à partir de ce moment-là, l'économie n'est plus, contrairement à ce qu'ils cherchent à dire, une science, une exactitude. Mais vous rendez compte, c'est impossible tout ça. L'économie est juste une idéologie qui va à notre encontre. Voilà, c'est tout. C'est point barre. Ça, c'est un truc qu'il faut. Ou alors l'économie, c'est seulement aussi un des domaines du politique, mais aussi dans le domaine du politique et aussi de la vie des gens et de ceux qui prennent le train tous les jours et ceux qui travaillent dans les transports tous les jours. Et ça, on peut pas le renier juste au profit de l'économie. Enfin, sous l'angle économique, on va dire, sous le point de vue de l'économie, juste parce qu'il faut réduire la dette avant toute chose. Et je pense que tous les Français ne sont pas impactés par la dette là tout de suite maintenant. Quoi. Puis, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez cocasse dans l'idée de nous parler de la dette et de mettre la dette tout le temps en avant, comme si c'était le souci absolument principal et comme s'il n'y avait pas d'argent surtout. Je crois qu'il faut rappeler que le CAC 40, il a fait 97 milliards de bénéfices là, cette année. 97 milliards. Je sais pas, je crois qu'on se rend pas compte en fait, parce que c'est des chiffres qui sont absolument astronomiques. Et que Bernard Arnault, PDG d'LVMH, là il est quatrième fortune mondiale avec 72 milliards. Voilà, donc évidemment qu'il n'a pas 72 milliards sur son compte en banque, mais on est face à quelqu'un qui pèse 72 milliards d'euros. Donc de dire qu'il n'y a pas d'argent, de dire qu'il n'y a plus d'argent pour nous ou qu'il n'y a plus d'argent pour le service public. Quand Macron de toute façon soutient absolument ça, je trouve ça assez drôle en fait qu'ils nous mettent ça et qu'ils nous imposent ça comme si c'était de notre faute, la dette et comme si surtout il n'y avait plus d'argent alors qu'il n'y en a jamais eu autant. Quoi. Puis après on n'est pas obligé non plus d'être des experts en économie pour comprendre un peu ce que vous disiez tous et toutes, où va cette société et les choix qu'on veut faire. Comme disait Raph tout à l'heure, par exemple, sur la question de cette ligne qui est assez symbolique en fait et qui résume pas mal de choses, je trouve. La ligne Paris-Bordeaux qui a été construite et à grand renfort de publicité, qui a été un des points centrales de la stratégie de la SNCF, ça concerne une minorité de cadres supérieurs qui vont la prendre. On se rend bien compte qu'il n'y a personne dans ces trains-là, que les billets coûtent une blinde et que en fait ça concerne 0,001% de la population. Et donc maintenant, comme le disait Raph, il y a quand même de l'argent public qui est réinvesti dans cette ligne puisque c'était des partenariats et que Vinci ne peut pas assumer cette charge tout seul. Donc c'est nos impôts, c'est nous quand on paye la TVA qui finançons un truc dont personne n'a besoin et on n'a pas besoin de nous servir des graphiques. Et on donne toujours le sentiment qu'on laisse notre confiance à des experts qui vont nous expliquer comment va fonctionner le monde, comment va se faire la stratégie. Et nous, de toutes les manières, on n'y comprend rien. Mais on a le droit de dire stop, on a le droit de par la grève, par les actions qu'on peut mener dans la rue, de dire stop à cette course à la consommation, stop à cette course même à l'information quand on prend le point de vue médiatique avec les nouvelles chaînes d'information en continu, stop à cette course effrénée toujours plus d'oseille, toujours plus de rentabilité. Et bah, voilà, notre moyen à nous, en tant que gens qui travaillent, qui étudient, qui font rien, qui sommes dans le réel, comme tu disais Mouloud, c'est de mettre en pratique un blocage pour dire stop en fait. Clairement, pour dire qu'on peut se réapproprier aussi les moyens de comprendre ce monde et de dire, nous, on propose une autre stratégie, en fait. On a envie d'autre chose. Il y a la question, va falloir regarder, est-ce que les cheminots réussiront à se mobiliser, ce qui n'est pas encore du tout acquis. Voilà, ça, faut bien le comprendre. Hein. Il n'y a pas d'unité syndicale sur la grève. La grève n'est pas quelque chose de facile, surtout dans un secteur qui en a connu plusieurs ces dernières années. Donc, si par contre, effectivement, il y a une grève à la SNCF, il faut se poser très rapidement la question de qu'est-ce que font les gens qui ne sont pas cheminots pour... voilà, parce que là, on parlait de choix de société. Effectivement, là, toutes les actions de popularisation de la grève, et même au-delà, serait-on en capacité ? Je doute personnellement, mais bon, en tout cas, ça serait l'objectif à atteindre. Ben justement, de rentrer derrière eux sur un mouvement plus global, sur les mêmes revendications, sur les mêmes questions, SNCF, hôpitaux, services publics, et le privé aussi, hein, c'est pareil, hein, ça ferme de partout les boîtes pour des... Voilà, en fait, on va, le temps file en fait dans cette émission. On va faire une petite pause musicale et on va essayer d'articuler ensuite ce qui s'est passé avec le mouvement étudiant qui s'imbrique dans le mouvement des cheminots et peut-être qui va essayer de créer des liens. Et on reviendra aussi dans cette émission sur le cas de Gaël en fait qui s'est fait licencier de la Poste. Pas encore, en tout cas, on n'espère pas, mais en tout cas, qui a une situation, qui vit une situation très précaire. On passe un peu de musique, on revient tout de suite après au fond près du radiateur. Hey yo, people in the world, France to the UK, JA to Mali, how we do? Yo, decent people, stand up and be equal. Au fond près du radiateur sur FPP 106.3. On vient de s'écouter un son de Salif Keita qui s'appelle C'est bon, c'est bon. Et tout de suite, on va enchaîner sur un reportage qui a été réalisé à Tolbiac dans la journée d'hier. Il me semble que c'était le 26 mars. Écoute, on est le 27, du coup, ouais, normalement. Voilà, c'est ça, on sait l'heure, mais on ne sait pas quelle journée. Et du coup, ça annonce un peu la discussion qu'on va avoir juste après, qui concerne plus le mouvement étudiant et ce qui se passe aussi en parallèle du mouvement des cheminots dans les facs. Donc je vous propose d'écouter ça tout de suite au fond près du radiateur, on revient après. Bonjour madame, bonjour monsieur. C'est FPP 106.3 qui vous parle. Essayez de tirer ensemble le maximum de qualité sonore de votre chaîne Haute Fidélité. Tout d'abord, votre amplificateur doit être en position... Radio fond près du radiateur. Écoutez. Je suis étudiant en L2 de philo. Nous, en fait, à Tolbiac, ça fait 3 mois qu'on est mobilisés. Donc, depuis février, on a commencé en fait par les plus d'assemblées générales, essayer de débrayer au max. Et en fait, depuis mars, on s'est lancé dans une dynamique de blocage. Ça va faire en fait 3 semaines qu'on bloque au moins tous les jeudis. Et là, en fait, on s'est dit, on commençait à bloquer d'autres jours. Je suis étudiant en L3 à Histoire, à Paris 1. Maintenant, je suis à la Sorbonne, mais j'ai passé 2 ans ici à Tolbiac. Bah, moi, je pense que en fait, ce projet de réforme, il nous donne toutes les raisons de foutre le zbeul. Déjà d'une part parce que c'est une réforme qui est totalement antisociale, qui revient sur 50 ans de lutte contre la sélection. Faut pas oublier que la première fois qu'on a essayé de réinstaurer une sélection à l'entrée de l'université, c'est en 1968 et ça a pété dans tous les sens. Ensuite il y a eu 86, il y a eu 2006 avec le CPE qui est une sélection un petit peu différente où c'est par le travail. Et globalement il y a eu tout plein de projets de réforme comme ça qui sont absolument dégueulasses. Le fait qu'on entend souvent des gens qui nous disent mais vous êtes pas légitime, vous êtes pas beaucoup à vous mobiliser, mais en fait déjà nous on a la capacité de le faire. Et puis surtout, moi, je me mobilise aussi pour les gens bah, qui n'auront jamais en fait accès à l'université. Et ils sont pleins dans ce cas-là. Et ça ne comprend pas que les étudiants de Tolbiac, en fait. En fait, nous, on essaie de libérer, on libère du temps et de la place sur une fac. Et du coup, bah, ça doit être un outil au service des luttes pour se mobiliser. En fait, c'est une dynamique qu'il faut généraliser, du blocage partout. Surtout, en plus, montrer face aux répressions qu'il y a eu à Bordeaux, où la prison ça fait rentrer les flics, ou à Montpellier, où le doyen envoyait sa milice de profs. Le blocage, on n'est pas là juste pour prendre en otage, ce qui est déjà genre c'est un terme qui est prononcé souvent, ou laquelle juste par décence va falloir arrêter de l'utiliser, mais qu'en fait on est en train de construire la grève, et qu'en fait la grève c'est pas juste de voter, de discuter, en fait c'est juste d'investir nos lieux de fac, nos lieux d'études, et de s'organiser contre la sélection. Il y a toujours la question de... on est dans un système qui est structurellement dominé par des blancs et des blanches, et notamment bourgeois et bourgeoises, qui ont des facilités à l'école parce que c'est pensé pour la bourgeoisie, par la bourgeoisie, et il y a des difficultés pour les personnes racisées venant des quartiers populaires qui, pour accéder à l'école. Il faut imaginer que quand on vient de Clichy-sous-Bois, qu'on est noir, maghrébin ou maghrébine, qu'on doit enchaîner un taf à côté pour payer un temps soit peu ses études et sa bouffe parce que les parents ils galèrent, bah arriver dans une fac où maintenant on nous ferme les portes, c'est un truc qui est genre horrible en fait. Genre déjà qu'on n'est pas présent et qu'on n'arrive pas à faire entendre notre voix, si maintenant on nous ferme les portes de la fac, c'est fini quoi. En fait je suis en L2 d'administration économique et sociale et je voudrais parler au nom des immigrés, au nom des gens qui viennent surtout de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'on a parcouru des kilomètres pour venir ici parce qu'on pense que c'est une éducation de qualité qu'il y a en France et que chacun a le droit de s'exprimer, chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Donc on ne peut pas quitter aussi loin et venir pour que notre avenir en fait soit hypothéqué. Parce qu'on a laissé des parents, on a laissé des ambitions. On est venu ici pour un but bien précis, étudier, réussir et retourner dans notre pays. Que ces lois prennent en fait le dessus sur nos ambitions et nos projets. Je parle de la loi qui va être votée pour, contre le plan étudiant. Parce que voter cette loi, c'est en fait anéantir tous les rêves des étudiants. C'est nous enterrer en fait. Parce qu'après, qu'est-ce qu'on fait en fait? On ne peut pas aimer toutes les matières, on ne peut pas avoir la moyenne dans toutes les matières. Et si tu n'as pas la moyenne dans une matière, c'est mort pour toi. Donc voilà. Je soutiens le mouvement étudiant entièrement et presque toute la communauté est derrière le mouvement étudiant parce qu'on pense que ce n'est pas normal et que nous aussi, on a notre mot à dire. On n'entend presque jamais les immigrés parler parce qu'on a peur d'être jugés, on a peur qu'on nous prenne nos papiers, on a peur, on a toujours peur en fait. Parce que c'est cette peur-là qu'on a instaurée dans nos esprits, dans nos cerveaux. Il y avait une intervention d'une camarade, alors elle était à l'UNEF, moi je suis totalement libertaire et ça me convient pas, mais bon, son interview a été ouf. Elle disait que on va pas nous refuser des places en fac que nos grands-parents ont construit. Parce que c'est un fait, nos grands-parents, arrière-grands-parents, ils sont arrivés en France, on leur a dit vas-y travaille dans le bâtiment, ils ont construit des trucs auxquels aujourd'hui on a accès et qu'on veut nous retirer. Quand on parle notamment de ça va toucher encore plus les quartiers populaires, les ZEP et tout, il y a un truc tout con dans cette réforme, il y a la sectorisation des universités qui dit qu'en gros, quand on vient du 9-3, la seule université à laquelle on a le droit d'aller, c'est la Saint-Denis, c'est Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Quand on vient de Paris, bah là, on a pléthore de choix, il y a toutes les filières qu'on veut. Je vais donner un exemple tout simple de camarades qui sont en art. Il n'y a que deux filières artistiques, enfin deux facs d'art en Ile-de-France, c'est Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et c'est Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Si tu viens de Créteil, si on applique la loi, hein, si tu viens de Créteil, c'est foutu. Alors là, sinon il faut avoir des bêtes de notes, mais on sait très bien qu'à Créteil, il y a des lycées qui sont considérés comme mauvais et ces personnes-là, bah, elles n'ont pas le choix. Pareil pour les personnes qui viennent de régions autres que l'Île-de-France, si ils veulent faire de l'art plastique, bah, c'est foutu, il faut avoir genre 16, 17, 18 de moyenne. Et on sait très bien que les gens qui viennent des quartiers populaires de tel ou tel endroit, ils n'ont jamais 16, 17, 18 de moyenne. Il y a le mythe républicain qui dit ça, mais c'est pas vrai quoi. Les perspectives justement, c'est en fait de continuer sur l'appropriation de nos lieux de vie. Sur en fait en profiter pour montrer qu'une autre université est possible. Et en fait ce qu'on balance comme mot d'ordre contre la sélection, en fait c'est pas seulement une revendication, c'est qu'il faut qu'on l'applique, c'est-à-dire ouvrir nos facs le plus possible. Et après genre sur la manifestation, c'est un espace qui a quand même un intérêt, enfin il y a des choses qui peuvent se créer en manifestation, même si en fait on reste sur une temporalité assez courte, du problème éternel de la fin de manifestation, où en fait à la fin chacun rentre chez soi. Et en fait je pense que cette énergie de manifestation, faut l'ancrer dans des lieux, faut l'ancrer dans un espace où on peut se rencontrer, où on peut s'organiser. Moi je suis pour qu'on multiplie les occupations partout parce que ça permet de. Enfin, nous les étudiants et étudiantes, on a des locaux immenses qui sont utilisés pour le savoir bourgeois, alors qu'on pourrait les servir pour une lutte proprement de classe. Et évidemment qu'il faut ouvrir ça. Aujourd'hui, les réfugiés, les exilés et ce qu'on appelle vraiment très vulgairement les migrants sont archi attaqués par le système Macron. Il faut qu'on les accueille, il faut qu'on leur laisse une parole, il faut qu'on ouvre toutes nos facs, tous nos amphis, toutes nos salles de TD pour laisser parler des travailleurs, des travailleuses avec ou sans papier, qu'on laisse parler des personnes qui ont fui des guerres que nos gouvernements font, qu'on laisse parler des gens qui sont contre le fait qu'on aille bombarder à l'autre bout du monde des gens qui n'ont rien demandé et qu'on laisse en même temps nous, étudiants et étudiantes, développer un discours qui est de ces thunes que vous donnez dans des bombes et qui font qu'aujourd'hui il y a des réfugiés, mettez-les dans l'enseignement supérieur et la recherche, mettez-les dans l'école. Il y a des espaces, il y a des endroits où on essaie de se mettre en commun, il y a des organisations interfac, il y a des organisations interprofessionnelles, là on va essayer de faire venir des gens, des cheminots, des choses comme ça, pour essayer de parler les uns aux autres, vraiment d'articuler et je dirais pas convergence des luttes, mais arrêter de penser qu'une lutte peut être détachée d'une autre, que finalement à peu près l'ensemble découle d'un système et que c'est pas X au problème du système qu'il faut défoncer, mais c'est le système en entier en fait, et essayer de penser autre chose quoi. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. On veut rien, on prend tout. De retour dans l'émission Au fond près du radiateur sur FPP 106.3 FM. Voilà, on vient d'écouter un reportage qui a été fait sur la journée de blocage de l'université Tolbiac Paris 1 Panthéon Sorbonne. Voilà, c'est un des gros sites de faculté de Paris Intramuros. Et du coup, bah, on était avec des copains et copines qui sont sur place. Il y a aussi une copine de Nanterre qui est là. Et si bah, vous voulez réagir un peu à ce qu'on vient d'entendre ou nous expliquer aussi un peu comment se construit le mouvement étudiant en ce moment et qu'est-ce qui se passe de votre côté quoi. Ce qui se passe, donc là je parle pour Paris 1 Panthéon Sorbonne et notamment le centre Tolbiac. Ce qui se passe, c'est qu'on a voté donc vendredi. Il y a eu une assemblée générale qui a voté donc l'occupation et le blocus qui doit durer du moins pour toute la semaine, qui a été revoté en fait en AG lundi parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé face à une horde d'anti-blocus, des gens qui pensaient encore une fois qu'on les prenait en otage, qui est un terme absolument révoltant, sachant que parmi les gens qui étaient dans le mouvement, il y a eu une personne rescapée du Bataclan. En fait, donc est intervenu pour dire que possiblement, faudrait arrêter en fait ce terme absolument, surtout que ça a été utilisé par des présidents et présidentes d'UFR, c'est-à-dire en gros les UFR, c'est les facs, c'est l'UFR de droit, voilà pour exemple. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a revoté, il s'est retrouvé que les anti-blocus se sont retrouvés en ultra minorité, que je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on a voté le blocus pour toute la semaine et l'occupation à 600 voix contre à peu près 70, il me semble. Et donc depuis hier, on bloque la fac, on bloque l'accès aux ascenseurs, on bloque l'accès aux amphithéâtres, aux salles de TD. Mais on l'occupe aussi, c'est-à-dire que c'est devenu un lieu de vie, c'est devenu un lieu de lutte, c'est un lieu d'enseignement parce qu'il n'est quand même pas question d'arrêter de réfléchir, pas question d'arrêter de se cultiver parce qu'on bloque la fac. Donc on a des intervenants. Ce soir, il y a notamment l'ambassadeur du Venezuela qui va venir parler de la cause zapatiste. Et on a fait une université ouverte où ceux qui ont des choses à dire ou qui veulent apprendre aux autres des choses qui leur tiennent à cœur peuvent le faire. Donc voilà, on s'organise, on vit un peu, on va vivre un peu comme ça pendant cette semaine, à voir ce qui va se passer ensuite. Et voilà, hier donc, il y a des gens là qui ont dormi là, qui ont dormi à l'université, qui ont dormi dans l'amphithéâtre. Et pour l'instant, ça se passe très bien, on est en train de s'organiser et on est en train de faire en sorte qu'il se passe un peu quelque chose, quoi. Je comprends pas, tu parles d'une conférence avec l'ambassadeur du Venezuela, c'est-à-dire qu'il y a quand même des activités qui continuent, ou c'est vous qui l'organisez? C'est vous qui avez repris le territoire? Je crois que c'est... Je ne veux vraiment pas dire de bêtises, parce que je ne suis pas complètement au courant de ça. Il me semble que c'est organisé... Non, en fait, très honnêtement, je ne sais pas. Par contre, ouais, il se passe toujours des trucs. On essaie d'avoir des intervenants. On va avoir Lordon, je crois, Frédéric Lordon, un économiste, qui va venir intervenir. Donc, on a toujours des contacts. Il faut savoir que c'est pas que les étudiants qui bloquent. Il y a des professeurs de TD, il y a des professeurs, il y a des conférenciers. Donc, c'est le mouvement qui concerne tout le corps enseignant, y compris bien sûr les étudiants. Mais c'est pas que les étudiants. Et là, l'université, vraiment, à Tolbiac, ça bouge et il se passe des choses. En gros, il y a encore des ateliers qui sont organisés par les étudiants, mais les étudiants font aussi appel à des chargés de TD, donc de venir pour continuer à proposer des ateliers politiques surtout. Mais donc, il y avait déjà la conférence sur le Venezuela qui était prévue. En fait, c'est une diffusion d'un film. Et il y a des médias qui vont venir. Et il y a aussi l'ambassadeur. Donc ça, on ne l'a pas annulé. On l'a laissé faire. Et on va aussi s'en servir pour en coup de pub, on va dire. Pour la mobilisation et le blocage de Paris, hein, quoi. Enfin, de Tolbiac. Du coup, Iman, je ne sais pas si tu voulais dire un petit mot sur ce qui se passe à Nanterre et... Peut-être comment est-ce qu'il y a des rencontres aussi entre les différentes facs de la région parisienne et même en province avec ce qui s'est passé, comme on l'a entendu dans le reportage, à Bordeaux, à Montpellier, à Grenoble, à Toulouse, je sais pas. Alors s'il y a des rencontres, je pense. Après, moi j'arrive souvent vers 15h à la fac, du coup je vois un peu les fins de blocus et j'ai les échos de ce qui se passe, mais j'ai pas envie de dire n'importe quoi, du coup j'ai pas à m'aventurer sur le sujet, mais je sais qu'il se passe beaucoup de choses, ça c'est sûr. En tout cas, moi j'ai des potes, moi j'arrive l'après-midi, mais qui me disent le matin, tel amphi était bloqué, tel bâtiment était bloqué. Là, je suis arrivée à 15h, ils avaient bloqué tout mon bâtiment, mais le rez-de-chaussée juste. Ils avaient mis des tables, mais pas juste pour chiller, c'était vraiment, on discute de ce qui se passe, on essaie de trouver des solutions et voir comment faire réagir faire comment réagir tout simplement. Et après, niveau prof, j'ai certains profs qui sont totalement pour. Il y en a certains qui, au contraire, le disent clairement, en gros, si vous venez pas parce que vous faites blocus, vous êtes défaillant, vous êtes machin, machin. Donc ça, c'est un petit peu partagé. Il y a peut-être, je sais pas, il y a certains bâtiments où il n'y a pas du tout de soutien. Et il y a des filières comme les miennes où c'est sciences humaines, où là... C'est pareil pour nous. Enfin, ouais. Ça dépend des UFR, par exemple, ouais, UFR voilà. De droit. Droit, c'est pas... Ouais, c'est pas du tout banalisé, les cours, ouais. Ils sont pas... Enfin, t'es pas là, t'es défaillant, voilà. C'est sûr. Donc, on a des profs, nous, qui nous ont envoyé des mails et qui nous ont dit, mais si vous voulez aller manifester... Enfin, je vais pas vous en vouloir, allez-y parce que c'est vos droits, etc. Nous, on est obligés d'être là parce qu'il y a des gens qui vont venir. Mais si vous voulez y aller, c'est pas un souci, ils comprennent. Après, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus fermés. Mais il y a moins de... L'année dernière, par exemple, quand tous les bâtiments étaient bloqués, il y avait vraiment ceux qui militaient. Allez, à 70% et à 30%, il y avait les mecs qui étaient contre ça et qui le criaient fort et il y avait toujours des clashs. Cette année, il y en a carrément moins, donc ça, c'est cool. Pour toi, c'est important, Iman ? Enfin, il y a du monde, ça, c'est significatif. Ouais, parce que j'ai vu le changement, du coup, entre cette année et l'année dernière, où il y avait vraiment, entre guillemets, que les... Enfin, ils les appelaient un peu les bobos ou les gauchistes, quoi. C'est comme ça qu'ils les appelaient dans la fac. Il y avait qu'eux qui se mobilisaient. Et cette année, il y a... Franchement, je crois qu'à part le bâtiment, tout ce qui est droit, éco, etc., il y a les langues qui font des choses parfois. En fait, il y a beaucoup plus d'étudiants et c'est beaucoup plus hétérogène. Alors que l'année dernière, c'était vraiment sciences humaines surtout. Et là, ça touche plus de monde. Donc ça, c'est cool de voir que... Voilà. Et du coup, par rapport aussi à la répression policière, parce qu'on voit quand même quelque chose d'assez inédit. Ouais, là, on rappelle, par exemple, à Montpellier, c'était particulier ce qui s'est passé. Ouais, il y a le doyen qui a fait rentrer son équipe de profs de droit et qui a investi l'occupation de nuit et en frappant les gens pour les faire sortir. À Bordeaux, ils ont fait intervenir les CRS. À Toulouse... Non, c'est à Grenoble, je crois... l'université a été mise sous tutelle. Toulouse. Ouais. Voilà, c'est des choses qui sont quand même assez inédites dans un mouvement étudiant. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va fédérer ou au contraire que c'est quelque chose qui va faire peur aux gens pour se mobiliser? Comment vous le ressentez, vous, dans vos lieux d'études? Bah là, encore une fois, je parle pour Paris 1, Panthéon. Je pense que ça va fédérer, très clairement. Notamment à la Sorbonne, parce que on jouit quand même d'une réputation, d'un historique plutôt à gauche, plutôt ancré dans les luttes sociales. Et je vois vraiment mal Haddad, le président de l'université, faire ce genre de choses. C'est-à-dire que ça m'étonnerait vraiment. Je pense que de toute façon, ça n'arrivera pas. Mais qu'on se retrouve quand même un peu lésé, un peu outré par ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on est en train de... Il y a une espèce d'ingérence qui est en train de se mettre en place dans les universités, qui n'a rien à faire ici. Il y a la police qui rentre dans les facs, elle n'a rien à faire là. Ouais. Ou qu'elle vienne étudier, ça leur fera peut-être du bien un peu. Mais je crois que l'idée, ça va être fédérateur, je pense. Ouais. Et ce qui s'est passé à Montpellier, ça a été bénéfique, je dis bénéfique entre guillemets, évidemment. Parce que on a une, enfin les gens se sont rendus compte, les non étudiants, les non, les ceux qui sont pas dans ce milieu-là, qu'il se passe des choses et que face à nous, il y a des gens qui sont aussi prêts en écoute, qui sont prêts à user de la violence et qu'on n'est pas, on n'est pas juste des petits bobos gauchos, on se bat pas que pour nous et en face il y a aussi des gens, il y a des gens qui peuvent être violents et ça je pense que ça va être fédérateur, notamment vis-à-vis de l'opinion publique dont on va nécessairement avoir besoin. Et à Nanterre, c'est pareil. Enfin, nous, ça nous a mis la haine. Après, je parle pour mon bâtiment, enfin, pour ma filière en tout cas. On a pété les plombs quand on a vu ça. C'est dans quel monde, enfin, un doyen de fac permet à des mecs de venir péter la gueule aux étudiants et la police ne peut pas intervenir. Enfin, c'est... Je sais pas, moi, c'est surréaliste. Et ouais, et je pense que, du coup, les gens ouvrent les yeux. Et comme tu dis, c'est entre guillemets bénéfique parce que maintenant, on voit vraiment ce qui se passe. Mais ça va fédérer pas mal de choses. Puis avant, on a l'habitude... Enfin, notamment ceux qui sont dans les blocus, ces choses-là, d'avoir où il y a toujours forcément la menace de l'extrême droite. Je pense notamment à l'Action française. Mais là, il se trouve qu'apparemment, ce seraient des profs et des chargés de TD. Et ça, je pense que ça nous a beaucoup choqués, en fait. C'est qu'on se retrouve avec des gens qui sont ou doctorants ou docteurs, qui sont censés représenter une élite intellectuelle, même si le terme d'élite me plaît pas spécialement. Mais on est censé être en face de gens cultivés, en face de gens instruits, en face de gens qui transmettent un savoir en fait. C'est ça qui est dangereux, c'est que les gens qui sont censés transmettre, qui sont censés nous donner et nous donner les clés pour avoir une démarche intellectuelle et plus tard une démarche professionnelle, ont usé d'une violence, de cette violence là contre des étudiants qui n'ont pas pu se défendre, et ça c'est absolument inacceptable. Et du coup, en fait, pour revenir donc à ce qui fait mobiliser aussi les étudiants, donc c'est la loi Vidal qui organise la sélection à l'entrée de l'université. On a un peu entendu des arguments là dans le reportage. On va peut-être pas y revenir en détail parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps, mais pour faire le lien aussi avec la privatisation des services publics, des chemins de fer, tout ça, ça rentre un peu dans le même état d'esprit de sélectionner le bon grain de livret, entre guillemets, de mettre les gens les plus compétitifs dans les filières d'excellence pour que il y ait des premiers de cordée, comme dit Macron, et que les autres derrière ils triment, ils charbonnent, et du coup en fait on se souvient, c'est un thème qui a été abordé même dans les précédents mandats présidentiels, c'est-à-dire essayer au plus tôt possible de sélectionner les gens qui auront une chance de réussite et pas laisser la porte ouverte à tous ceux qui traînent derrière, quoi. Et du coup, c'est peut-être ça aussi qui peut faire le lien avec les autres réformes qui passent par ordonnance et à organiser une convergence. Je sais pas ce que vous en pensez. Si, complètement. Moi, ce qui me débecte absolument, c'est que l'université soit vue comme un espèce de lieu qui doit devenir compétitif, qui doit devenir, où on doit, ça doit être une sélection, ça doit être les meilleurs devant, ça doit être quelque chose sans solidarité ou que sais-je, alors que l'université, c'est un lieu de savoir. En tout cas, moi, je l'aperçois comme ça, et historiquement, c'est comme ça qu'elle a été perçue. C'est-à-dire que c'est un lieu où on échange, c'est un lieu... où on s'intéresse à plein de choses, on fait pas que notre filière, on discute avec des gens, on rencontre du monde, on va à des conférences, donc c'est quelque chose qui est d'intellectuel et qui doit servir d'ouverture, en fait. Je pense que la finalité, même si évidemment c'est nécessaire et que c'est une des finalités, mais c'est pour moi peut-être pas l'essentiel, c'est pas d'avoir un travail, d'avoir énormément d'argent, et c'est pas la finalité propre. J'ai envie de ressortir de l'université effectivement avec un diplôme, avec un travail à la clé, mais j'ai envie aussi d'avoir appris des choses, de m'être ouvert sous tous les aspects, Et ce qu'il est en train de faire, en fait, c'est qu'il veut prépaïser, si vous permettez le néologisme, la faculté, d'en faire, voilà, d'en faire une prépa, ni plus ni moins, ouais. Ou d'en faire une espèce de grande école de commerce, ou une espèce de fac start-up, parce qu'apparemment, c'est ça qui le fait vibrer, notre cher président. Et ça, oui, c'est absolument ridicule, je pense. Du coup, tu voulais rajouter peut-être un truc ? Ouais. Juste, moi, ce que je voulais dire, c'était toujours dans ta logique. Moi, je veux pas directement pointer du doigt Macron, parce que justement, c'est ça qui divise aussi les étudiants. C'est ceux qui sont presque macronistes. Donc, j'essaye vraiment d'exclure personne en tenant ce discours-là. Donc, ça n'a pas de rapport avec mes opinions. Surtout, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ils voulaient laisser toujours plus de liberté aux facs, un peu à la manière des entreprises. Moi, c'est comme ça que je perçois la loi. En gros, les facs, elles auront moins de droits de regard et moins de comptes à rendre à l'État, parce qu'elles auront moins d'obligations par le choix des dossiers. Mais sauf que ça, c'est très large. Enfin, les trucs qu'ils proposent dans la loi, c'est large et on peut pas se baser sur ça, on peut pas continuer sur ça, parce que ça laisse trop de liberté aux facs. Déjà qu'il y en a pas mal par rapport au... Enfin, ça dépend où, quoi. C'est toujours la même chose, ça dépend de quelle fac on parle. Déjà que APB c'était la merde, Parcoursup c'est la merde, mais alors ce qui suit c'est encore plus la merde, c'est pas possible. Ça, c'est les plateformes d'inscription à l'université qui font cette sélection en fait. C'est la suite. Hein, ce qu'on revendique, c'est la suite, c'est pour ça qu'on s'est allié avec les lycéens. Ok, on va rapidement terminer sur ce sujet. Vas-y, Raph, si tu voulais dire un dernier mot. Ouais, c'est ce que tu me disais hors micro, c'est que en fait, maintenant, les conseils ou comités qui vont sélectionner les étudiants qui auront le droit, ou les gens qui auront le bac, qui auront le droit d'aller à l'université, ils auront accès à tout un tas de données comme les revenus des parents, le lycée où tu as été, ou plein d'informations personnelles comme ça qui vont faire qu'ensuite, ils auront la liberté de sélectionner une catégorie de population et pas une autre, quoi. Terre vague qui n'ont aucun... qui n'ont pas... Enfin, c'était, par exemple, il faut avoir fait sciences politiques pour rentrer en sciences politiques. C'est une spé qui n'est pas dans toutes les facs. Je prends ça comme exemple, mais c'est bateau, mais je trouve que c'est très significatif. Ou alors être bon élève, intégré, ou... Enfin, des choses, ça n'a aucune valeur. Enfin, c'est des mots qu'on peut lâcher dans le vide, quoi. Et t'as un truc qui va être socialement déterminant aussi. Et d'ailleurs, on demandait à certains postulants pour la fac de droit d'avoir déjà des connaissances en droit, ce qui en fait sous-entendait d'avoir fait une prépa au droit. Et pour faire une prépa au droit, il faut avoir des parents qui suivent derrière, ou alors un très bon lycée, un lycée excellent, où ce genre d'option est disponible, et c'est absolument pas le cas de tous les lycées. Donc ça va être une sélection par l'argent, une sélection sociale, et effectivement, ça va être ce qui va se passer. On va se retrouver avec une Sorbonne qui est déjà majoritairement blanche et majoritairement bourgeoise, mais qui pour le coup va peut-être l'être complètement. On va avoir que des étudiants de Louis le Grand, d'Henri IV, de Stanislas et toutes ces choses-là. Vas-y, non, quelqu'un voulait rajouter. Ouais, Yano, je voulais juste dire un truc et tout. Et c'était par rapport, en fait, juste sur les moyens d'action. Comment vous allez faire pour gagner ? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, que ce soit pour faire la convergence des luttes avec les autres secteurs qui sont en lutte ? Mais ça va être quoi les moyens d'action du mouvement étudiant pour gagner ? Est-ce que c'est rester dans les facs ? Est-ce que c'est aller faire des actions à l'extérieur ? Est-ce que vous en avez discuté ou quoi ? J'ai pas envie de parler au nom de tout le monde parce que ça n'a pas spécialement été discuté en comité de mobilisation ou en assemblée générale. Ce qui ressort pour l'instant de l'assemblée générale, au moins pour Tolbiac et du comité de mobilisation, ça va être notamment de faire de l'automédia, de faire des vidéos, d'essayer de devenir viral en fait, pour qu'on soit entendu à une plus large échelle que simplement le milieu étudiant ou simplement le milieu militant. Pour l'instant, ça va être ça. La présence en manifestation aussi nécessairement, et après voilà, ça va être nos moyens d'action. Pour l'instant, il faut qu'on en discute, et déjà on est en train de se mettre en place et de s'installer à Tolbiac, et une fois que ça sera fait, on aura bien rodé la chose, vraiment discuter de nos moyens d'action très concrets. Voilà, il nous reste peu de temps dans cette émission, du coup on continuera de suivre l'évolution du mouvement et discuter avec vous, avec d'autres copains, copines. Et donc on voulait rebondir sur un sujet pour lequel Steph et Olivier sont venus parler. Et c'était donc le cas de Gaël qui travaille à La Poste et qui est en situation de presque licenciement à cause de son activité politique et syndicale. Ouais, donc... Par où je commence ? Moi, je suis à Sud PTT, je suis critique sur mon syndicat, voilà. Gaël également est militant à Sud Poste dans les Hauts-de-Seine. Ça fait depuis plus de 14 ans que La Poste cherche à obtenir son licenciement. Il a déjà subi 10 procédures, 10 tentatives de licenciement. Et là, il est sur une procédure de licenciement qui date de 2010, où il y avait une histoire de séquestration avec, je vous passe tous les rebondissements judiciaires possibles et inimaginables, administratifs et tout ce qu'on veut. Où là, en fin de compte, une procédure a été rouverte en mai dernier. Il est salarié protégé, je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça signifie. Ça veut dire qu'en gros, si tu as un mandat dans une boîte, CHSCT, comité d'entreprise ou délégué du personnel, pour être licencié, l'employeur est obligé de demander l'autorisation à l'inspecteur du travail, qui peut accepter ou refuser, suivant s'il trouve que c'est bidon. Voilà. Et là, donc, il y a eu refus de licenciement en août dernier, après une procédure qui dure depuis quand même 2010. Refus de licenciement par l'inspection du travail. La Poste a fait appel, a fait un recours gracieux auprès de la ministre du Travail. Le ministère du Travail a rendu une contre-enquête qui allait exactement dans le sens du refus de licenciement en mettant en avant les discriminations antisyndicales et l'acharnement antisyndical que subissait notre camarade Gaël. Et la ministre du Travail a piétiné toutes ses décisions, voilà, toutes les décisions en fait, des instances qui sont quand même les plus au fait du droit du travail. C'est quand même l'ancienne RH de Danone dont on a relevé qu'elle s'était pris je ne sais combien de prunes et de procédures par l'IT, par l'inspection du travail, parce qu'elle n'appliquait pas le code du travail. Donc bon, et là, je résume très vite. Allez hop. Gaël, aujourd'hui, Gaël qui rentre, hein, ça parle peut-être à certains. C'est à la Poste un des militants, si ce n'est à mon avis, personnellement, le militant le plus connu par les réseaux sociaux, les Facebook, les machins, Internet, dans notre syndicat et même dans les autres syndicats. Il incarne très clairement le syndicalisme de lutte. Et voilà, bah c'est pas un hasard si la Poste, elle lui tape dessus, qu'elle cherche à le virer. Donc bon, enfin, très vite, allez hop. Samedi, il a eu sa... Voilà, la ministre autorise son licenciement, ce qui veut dire que la Poste peut le virer. Il y a une réaction immédiate le lundi matin dans les Hauts-de-Seine, chez les facteurs, qui ont très bien réagi. Voilà, on a fait un rassemblement à 150 facteurs grévistes lundi matin, un truc organisé totalement à l'arrache, juste par des SMS, tout ça, avec toute la difficulté que ça implique de se mettre en grève. Donc là, ça veut dire vraiment que c'était quelque chose de prégnant pour les gens. Le soir même, il y a eu un rassemblement où on peut dire qu'il y avait 500 personnes, des personnalités du monde politique et syndical, dont Mélenchon, Besancenot, Jean-Pierre Mercier, des gens comme ça, qui tous, pour le coup, ont été sur un discours très gauche. Il faut à nouveau mai 68, on ne va pas commémorer mai 68, on va le faire, voilà. Toujours est-il que ça, voilà, ça nous sert. Aujourd'hui, voilà, il y a le syndicalisme de lutte qui est attaqué. Gaël reçoit le soutien de nombreux syndicalistes d'un petit peu partout, hein, ça dépasse largement la Poste, hein. Il y a des manifestations, des motions de soutien qui arrivent de syndicats CGT d'un peu partout, de syndicats Sud d'un peu partout, ça dépasse largement la Poste. Et là, il y a un enjeu pour le syndicalisme de lutte, un petit peu comme l'affaire des Air France il y a trois ans, et l'affaire des Goodyear dans la foulée. Voilà, on attaque le syndicalisme de lutte est attaqué, voilà. Et donc il y a un enjeu à défendre Gaël. Il y a un rassemblement jeudi au métro Ballard devant le siège de la Poste, rue Guynemer, pour ceux qui pourraient être disponibles à 13h ce jeudi. Et voilà, mais je pense qu'on en reparlera un petit peu plus longuement dans une prochaine émission. Vas-y, Steph. Juste pour rajouter, dans l'idée de convergence des luttes, c'est qu'à un moment, on se bat tous quelque part pour la même chose, en vrai, et qu'on a intérêt à tous se rassembler, taper sur le même clou. C'est que, par exemple, là, ce rassemblement, s'il y a les moyens, les étudiants, ils sont bienvenus. Hein, voilà. Comme nous, on ne s'interdira pas d'aller intervenir dans les facs si on nous le demande. C'est une bonne chose de dire. Je rebondis sur ce que dit Stéphanie. Gaël est un des animateurs et un de ceux qui ont monté le Front Social. Le Front Social qui, justement, a vocation à essayer de regrouper les syndicats sans qu'on tienne compte d'étiquettes. Et tous les fronts de lutte, étudiants, sans-papiers, tous les fronts de lutte possibles et inimaginables, justement, pour qu'on tape tous ensemble, le même jour, sur le même clou, pour réussir à à gagner sur tout ce qu'on a. Du coup, on va rester sur ces belles paroles. C'est comme ça qu'on aime bien finir les émissions. Et les numéros de téléphone vont s'échanger, t'as vu. Et bah nous, on est au fond près du radiateur. C'est tous les mardis à 19h, notre émission, voilà, jusqu'à 20h31 aujourd'hui. Il y a moyen juste de dire les dernières dates de manif pour les étudiants et tout. Vas-y, dis. Je sais pas s'il y a des dates de manif en ce qui concerne le mouvement étudiant que vous avez en tête. Il me semble, je crois qu'il y a encore jeudi, si je dis pas de bêtises. Après demain, il y a un rassemblement place du Panthéon parce que c'est les élections étudiantes de Paris 1. Il y a 4 listes d'extrême droite, pardon. Donc voilà, on va essayer de se mobiliser contre ça. Et j'invite d'ailleurs tous ceux qui nous ont entendus et tous ceux qui sont sur Paris à venir voir un peu ce qui se passe à Tolbiac si ça les intéresse. C'est dans le 13e métro Olympiade. Et voir un peu comment on s'organise, ce qu'on met en place et c'est ce qui s'y passe. Voilà. Ah, du coup, c'est ouvert. Hein. Moi, j'y suis allé pépère, patte blanche. Il n'y a rien à dire. Et on est bien accueillis. C'est très gentil. Ouais, franchement, ils ne mangent personne. Il y a de la bouffe et tout à boire. C'est propre. Et ben voilà, donc nous c'est au fond près du radiateur, 19-20h30, on est rediffusé pour ceux qui se lèvent tôt ou qui se couchent tard, c'est le vendredi matin à 7h du matin, voilà. Et on a un site internet où vous pouvez retrouver le podcast de cette émission et d'autres délires, c'est aufondprèsduradiateur.fr. Voilà, merci Raph, merci Lucien qui prend la suite avec l'émission Do Boot, et on vous laisse l'antenne les gars, salut.